Merci. Peut-être un dernier tour de questions sur toi avant de laisser la parole peut-être en priorité aux étudiantes et étudiants d'ailleurs qui ont certainement des questions à vous poser. Mais je me dis justement, vous êtes pas mal à intervenir dans des formations en architecture, en urbanisme, en paysage, en art aussi. Voilà, comme je disais tout à l'heure, quels sont les messages que vous faites passer? Mais avant ça, peut-être comment vous positionnez en tant qu'enseignante, enseignant dans les ateliers, dans les studios, dans les cours que vous coordonnez ou dans lesquels vous intervenez. Voilà, quels sont vos positionnements et est-ce que vous, d'une certaine manière, vous transposez vos positionnements professionnels, en tout cas dans vos structures, dans le cadre de ces enseignements? Et comme on vous le demandait tout à l'heure, quels sont aussi les retours de la part des étudiantes, des étudiants? Qu'est-ce que vous percevez de ces nouvelles générations qui certainement vous posent plein de questions, indirectement ou directement? Je viens de commencer. Moi, je pense que je ne suis peut-être pas le meilleur exemple parce que finalement, moi, j'ai été recrutée entre guillemets à l'école plutôt pour les thématiques liées aux existants. Donc, c'est vrai qu'à l'école, quand on répond à des postes, c'est un peu comme des appels à projets. C'est-à-dire qu'on a quand même une orientation qui est donnée par rapport à une fiche de poste. Ça n'empêche pas d'avoir son identité, son expérience et tout. Mais c'est vrai que j'ai plus axé sur réhabilitation, les existants et puis après toutes les méthodologies liées au projet là-dessus, sur les patrimoines, que la pratique en collectif qui finalement me paraît peut-être un peu plus lointaine. Et j'en parle parce que Théa ou d'autres enseignants ont des espaces vraiment liés à ces thématiques et j'interviens toujours avec plaisir, mais ça ne fait pas vraiment partie de on va dire mon cœur d'enseignement pour l'instant. Moi le message que j'essaye de faire passer, c'est essayer de faire le plus possible avec les identités de chacun, qu'ils aient envie, qu'ils soient curieux. J'aime bien leur faire passer le message qu'il faut vraiment qu'ils perdent pas leurs convictions, leurs idées. Sur tous les aspects, quoi, et surtout ne pas rentrer dans un moule. Donc, on arrive à ça, et puis à les outiller sur les fondamentaux du projet, pour moi, c'est déjà très important. Après, j'ai l'impression qu'on nous pose des questions de temps en temps, mais pour moi, je n'ai pas l'impression de parler beaucoup de métiers un peu de trajectoire de côté. Peut-être pas assez. Moi, j'enseigne à Toulouse, du coup, j'essaye de beaucoup en parler. Mais c'est pas la même école que Grenoble, c'est pas la même, on va dire, c'est pas autant fertile. Enfin, je pense qu'on ferait la même table ronde à Toulouse, il y aurait deux étudiants qui viendraient, voilà, pour le dire concrètement. Du coup, avec mes petites vacations, j'essaye d'insuffler des choses, mais bon, voilà, je peux pas faire des miracles. Après, ce que je trouve intéressant, et ce que je trouve intéressant dans ces tables rondes, c'est qu'on sent que les étudiants et étudiantes, et je l'ai été aussi, vous êtes demandeurs et demandeuses de profils aussi, de montrer des parcours qui n'ont pas fait la voie classique, enfin voilà, et je pense que ça c'est le... Enfin, Adèle, elle disait ce matin qu'elle ne voyait pas le cadre, et en fait il faut créer le cadre, et là on a tous créé nos cadres, je pense, de travail, et c'est ça, je pense, qui est important, c'est qu'en fait on a, en sortant d'une école d'archi, d'urbanisme, de paysage, on a plein d'outils et on a beaucoup de choses pour pouvoir faire en fait le cadre de travail qu'on a envie, dans lequel on a envie d'être. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire aux étudiants. Moi, pour commencer, c'est vrai que je suis assez carré sur la question des recrutements en fait, qui en tout cas pour les titulaires, qui sont sur des fiches de poste, qui sont écrites, qui répondent à des besoins, qui répondent à des personnes qui sont parties, mais c'est pas du poste pour poste, à une maquette pédagogique, donc beaucoup de complexité et du coup forcément un peu d'inertie. Mais en même temps, je trouve que c'est assez bien mené, en tout cas à Grenoble et là à Clermont où je suis arrivé, vraiment je dis pas le contraire. Mais malgré ça, du coup, c'est pas forcément le cours qu'on va nous demander de porter. C'est vraiment la manière, là où on a une liberté, je trouve que c'est la manière et l'attitude. Après, sur les contenus, ça dépend des cours. Et je prends un exemple. Moi, j'ai, Donc arrivé à Clermont, donc c'est une fiche de poste TPCAU, donc plutôt projet, et STA, sciences et techniques pour architecture. Et on m'a dit, donc j'arrive le 1er septembre, on me dit, ah bah dans un mois, tu dois faire deux cours de 4 heures, un vendredi après-midi, à toute une promo de deuxième année sur tous les systèmes de mise en œuvre en construction. C'est un vaste sujet, très peu de temps, super créneau, bon, on va y arriver. On l'a fait le jeudi soir aussi, ici. Ouais, ok, bon, pas de soucis. Et bon, du coup, je prends un exemple de ça où, normalement, on me dit, bah vas-y, tu prends tel matériau, tu expliques comment c'est mis en œuvre. Et donc, moi, par exemple, j'ai pris le choix, j'ai fait un peu le choix de. Par rapport à ce qu'on fait à Bellastock, de dire bah, plutôt que de passer mon temps à parler de ça, je vais partir de l'extraction de la matière, parce que j'ai pas le temps en fait, je vais pas m'amuser à rentrer dans des détails où en fait cette info ils vont aller la chercher s'ils veulent. Et je pars d'extraction de la matière qu'avec des images, avec bah, voilà, l'acier, je fais l'acier jusqu'au sourcé, je sourcé à emploi, mais l'acier voilà, c'est une carrière de minerai de fer, voilà, ça défonce un territoire de telle manière visuellement. Ensuite, ce minerai il est transformé. Ça prend tant d'énergie, on le fout dans un bateau, parce qu'en fait, on n'est pas du tout en Europe, hein. Hyper loin. On amène ça, je ne sais pas, à Fos-sur-Mer. Image satellite de Fos-sur-Mer, regardez comme c'est joli, tout est noir depuis Google Maps. Bon, voilà, et ensuite, bon, bah, ça va, on va sortir des poutres en IBN, si vous voulez. Sauf que, on va cramer tout ça à 1600 degrés dans des fours, et puis bon, des vidéos d'acier qui coule. Voilà, bon, c'est une forme de liberté de dire, bah, ok, il y a une mise en œuvre. Par contre, à chaque fois que vous avez pensé la mise en œuvre d'un matériau, aujourd'hui, il faut réussir à penser bien bien en amont en tant qu'architecte pour ne pas ignorer des sujets ou ne pas être, ou en tout cas susciter la curiosité sur qu'est-ce qui se passe là si je mets de l'acier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre d'acier, ça veut dire sache que quand tu vas dessiner un trait avec de l'acier, il y a tout ça derrière. Donc voilà, c'était une manière de détourner un peu le contenu. Alors peut-être qu'on va me le reprocher un jour, je sais pas, on verra. Mais je ne pense pas. Ce sont les personnes qui viennent en amphi, regardez ce que je fais, à part les étudiants. Alors on est obligé de... Ouais, parce qu'ils sont là, ils sont là. Donc c'est un format qui a été choisi aussi, de dire, bah, c'est 4 heures, je fais, c'est hyper long, je ne vais pas parler 4 heures. Moi-même, je ne m'écouterai pas, quoi. Et donc en fait, c'est plutôt un format qui est un cours magistral, dans lequel on intègre des exercices, donc un peu comme moi, j'ai pu suivre en première année avec Patrice Dehatte à l'époque. Donc voilà, genre... Je leur fais un petit exercice à la con au début qui les réveille. D'un coup, ils m'écoutent une heure et demie, et après, bon, après, c'est l'exercice avec une évaluation sur place. Du coup, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin, parce que sinon, ils n'ont pas de notes. Voilà, un petit côté comme ça, et c'est là où ça peut devenir un chantage malsain, mais ça ne l'est pas. Parce que, en fait, c'est là où je disais que c'est. Et pour revenir peut-être à ce qui est propre un peu au collectif, c'est dans l'attitude. De manière plus globale, dès qu'on peut, ce que j'essaie de faire, après c'est pas évident, c'est de réussir à créer un peu d'horizontalité tout en chacun gardant sa place, en acceptant qu'on sortir de la posture un peu ancienne de l'enseignant qui sait et qui dit. En fait, on doute énormément, on doute beaucoup plus que les étudiants, peut-être même aujourd'hui, parce qu'on a vu plein de nouveaux sujets. Et donc de réussir à instaurer cette transparence sur le fait qu'on doute et donner la parole le plus possible et pas hésiter à demander aux étudiants, aux étudiantes de nous faire des retours sur ce qui va, ce qui ne va pas pendant le cours et pas à la fin via un formulaire anonyme qui dit « j'ai pas aimé », parce qu'en plus, bon, ben, en tournant, il y a eu des mauvaises notes, donc ça s'est influencé. Mais voilà, il y a un peu cette posture de comment on se positionne sans rendre non plus illégitime la position de l'enseignant. Voilà. Merci. Moi, je ne suis pas enseignante. Mais du coup, qu'est-ce que je pourrais dire ? On accueille beaucoup de stagiaires et des services, et une service civique, la première. Et on a surtout beaucoup de demandes par mail. Et du coup, qui aboutissent à des échanges visio-téléphone, voilà, nos échanges avec les étudiants. Et du coup, ben, ce que j'aurais à dire, c'est que moi, ce que je pense qui est vraiment important, c'est d'être très critique, même vis-à-vis de tout ce qu'on vient de vous dire là, de réussir à forger son avis, et dans le climat actuel qui est un climat de lutte et de militantisme, qu'il faut profiter de ce climat-là, qui est hyper fertile et qui, au contraire, pour moi, permet de se positionner la société telle qu'elle est faite et pas juste par rapport à la pratique de son métier ou de tous les récits qu'on peut vous faire de comment on fait notre métier et puis qu'est-ce qu'on fait, comment on chiffre et tout, et la structure économique de la notre structure économique et tout ça. Ce qui est relativement chiant et puis finalement assez facile à vous expliquer. Hein. Mais bon, c'est très important aussi. Et non, ce que je voulais dire aussi, c'était que des fois, il peut y avoir un peu un climat anxiogène de sortie d'école et de tout ça, et qu'il faut aussi garder un peu de naïveté et de... Enfin, ouais, garder un peu de naïveté et puis d'insouciance. Voilà, c'est important. Oui, juste rapidement parce que peut-être prendre la question, mais moi j'enseigne dans une école, j'estime avoir beaucoup de chance parce qu'elle est très. C'est pas du tout une école d'architecture. C'est pas pour ça. C'est trop tard, c'est. Je veux dire, c'est une école qui est très singulière depuis sa création il y a 37 ans. Et en fait, ce qui est très intéressant, très singulier, c'est que les élèves les étudiants sont très impliqués à tous les niveaux de la pédagogie à l'école. C'est une école qui apprend beaucoup plus l'autonomie et le fait de se poser des questions comme compétences que des apprentissages. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. C'est une école de création industrielle. Dans laquelle aujourd'hui les étudiants se questionnent beaucoup sur la création plutôt post-industrielle ou réindustrielle ou désindustrielle. Ils sont extrêmement, ça me fait penser à la table ronde de tout à l'heure, mais nos étudiants, ils sont, c'est eux qu'on, en vrai, sans être trop démago, c'est eux qu'on écoute et ce qu'on essaye de faire, c'est de leur, de les faire s'exprimer. Il y a quelqu'un aussi à la table ronde tout à l'heure qui disait qu'on lui avait donné confiance un jour. Parler de la confiance qu'on lui a donnée. Moi, c'est, sans être trop démago non plus, c'est exactement comme ça que moi j'ai travaillé avec Patrick Bouchain. C'est comme ça que j'ai appris, en fait, c'est qu'il m'a demandé de faire quelque chose. Non, j'ai proposé de faire quelque chose, je pensais ne pas pouvoir le faire, et il a pensé que oui, et en fait, je l'ai fait. Et je veux dire, c'est exactement ce qu'elle a décrit. Hein. Et effectivement, je pense que c'est un moyen d'émancipation, et nous, c'est ce qu'on. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire à l'école où j'enseigne. C'est plus ce que je voulais dire, mais que je pense que voilà, c'est une manière de leur apprendre, de les suivre dans cette prise de conscience régulière, cette en capacité d'agir. Et c'est une super relation qu'on a au quotidien avec nos étudiants. Et plus concrètement, pour reboucler avec des choses qui ont été dites tout à l'heure, par exemple, récemment, il y a un groupe d'étudiants de cette école qui est venu s'installer dans la Drôme aussi avec une espèce d'idée un peu sécessionnaire. Parce qu'en fait, nous, les métiers du design classique, c'est clairement pas en milieu rural, et clairement pas en collectif, et clairement pas avec les habitants. Voilà, et donc, qui se questionne, qui travaille avec le TC aussi, à côté de TC aujourd'hui. Mais il y a aussi beaucoup de tentatives de faire autrement qui sont plutôt... intéressant à suivre et à voir. Un étudiant aussi qui est venu chez Bivouac. Bref, j'arrête.